Bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, la radio alternative à Montréal et dans le monde. Alors, nous en sommes à l'édition du 25 novembre 2010 et le temps avance, on s'en va vers le mois de décembre et le dernier mois de l'année. Alors voilà, quoi, donc les choses vont bon train. Cette semaine, on va parler de quoi? Ben, on va parler d'actualité mondiale comme d'habitude. C'est vraiment ici le thème central de l'émission. On vous apporte les nouvelles les plus importantes de la semaine. On va retourner aussi sur l'histoire du dossier de la TSC, dont l'Agence de sécurité dans les aéroports aux États-Unis. Alors, on en a parlé la semaine passée. On va faire un petit retour rapide sur ce dossier et aussi sur l'économie. On va parler d'économie cette semaine et de différentes affaires. On va voir ce qu'on tente de couvrir, évidemment. Il y a tout le temps beaucoup d'informations. On va parler un peu de Moyen-Orient aussi. On va sûrement toucher là au Pakistan et à l'Afghanistan. Donc, on va tourner un peu autour de ces sujets-là. Vous allez trouver un fil commun à l'émission cette semaine qui va tourner autour un peu de cet étau qui se resserre sur la population, l'étau de surveillance, du totalitarisme, de la tyrannie. Tout n'est pas négatif aussi. Là, il y a aussi quand même quelques bonnes nouvelles à travers cela et surtout de la bonne musique. Alors, voilà, donc la table est mise. Donc, chers amis, on va y aller. Écoutez, on va y aller avec tout de suite le dossier de la TSC. Alors, cette semaine, je vous invite à découvrir un article que j'ai publié sur les sites du Québec, les nouvelles internationales, sans papier aussi, qui a été repris sur différentes plateformes à travers le net, la blogosphère francophone. Qui s'intitule « Bienvenue dans les aéroports américains, agression ou dose de radiation ». Alors ça, c'est le choix qu'on vous présente lorsque vous vous rendez aux États-Unis ou vous volez via les États-Unis. Oui, la TSA, qui est la Transportation Security Administration, l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports qui fut créée après les événements du 11 septembre, a introduit ces fameux scanners corporels et surtout de nouvelles procédures de fouilles corporelles dont je parlais la semaine passée. Alors, si vous n'avez pas entendu l'émission de la semaine passée, je vous invite à la retrouver. Elle a été finalement mise en lien seulement que vendredi ou samedi, donc on a eu un certain retard, là. Il y a eu des problèmes, là. Donc écoutez, on s'excuse de ça. L'émission est disponible, vous pouvez la retrouver là, comme d'habitude, autant sur la chaîne YouTube de L'Autre Monde que sur le site même de Choc FM ou sur les nouvelles internationales. Alors, allez retrouver ça. J'ai quand même un bon bloc là, de quasiment une demi-heure sur ce sujet. Ben là, on présente un choix aux voyageurs aériens. Hein? Donc, lorsque vient le temps de passer la sécurité, on offre le choix de soit prendre une dose de radiation par scanner ou bien subir une fouille corporelle qui est plutôt humiliante et constitue ni plus ni moins un attentat à la pudeur, s'apparentant dans certains cas, carrément une agression sexuelle. Alors, ça semble être des gros mots et pourtant, c'est bien cela. On palpe le corps des gens, on leur demande d'enlever les soutiens-gorge, même les prothèses. C'est assez incroyable, là. Vous avez dans cet article-là une liste là, je dirais, un déboulonnage de cette hystérie encore là, de la peur du terrorisme qui finalement est créée bien souvent par les services secrets ou par le gouvernement. Alors réellement, là, le terrorisme. Donc, je parle d'un paquet de trucs sur ces sujets-là. Je donne des spécifications par rapport au scanner corporel. Est-ce qu'ils sont sans danger pour la santé, et puis il se retrouve que le problème est que finalement ces scanners corporels à ondes millimétriques ionisantes sont potentiellement mutagènes et cancérigènes. Ok, non seulement ça, ils montrent les gens à nu. Et vous devez comprendre que si vous refusez ces scanners-là, ben là, vous en allez pour la fouille corporelle complète avec les mains incluant entre les jambes jusqu'à ce que l'agent rencontre de la résistance, citation même de la TSC. On touche les seins, les organes génitaux, peu importe le sexe de l'agent de la TSC. Donc, un homme peut se faire fouiller par un homme, une femme par un homme. Un homme par un homme, ça va, là. Quoi qu'encore là, certains peuvent avoir certaines objections par rapport à ça, mais surtout si vous êtes une femme, faire fouiller par un homme, c'est peut-être pas vraiment là, la chose dont vous raffolez, et puis avec toute raison, avec toutes les raisons. La raison évoquée par les autorités américaines, canadiennes et de nombreux autres pays européens est la sécurité. Il faut assurer la sécurité des passagers contre des attentats terroristes. Alors, la sécurité, ben, c'est quoi vraiment les risques d'être tué dans un attentat terroriste? J'en parlais un peu la semaine passée. Je disais qu'on avait à peu près 2, 3 fois plus de se faire frapper par la foudre que de mourir dans un attentat terroriste alors qu'on se retrouve à bord d'un avion. Et puis, j'ai cherché plus en détail les sources, les statistiques. Du moins, j'ai trouvé celle aux États-Unis, et puis ça doit s'apparenter à peu près à la même chose à travers les pays du monde. Mais prenons les États-Unis dans le cas qui nous concerne, parce que c'est vraiment aux États-Unis que ces mesures de sécurité, entre parenthèses, à l'aéroport sont les plus drastiques et les plus envahissantes et les plus, je dirais, même criminelles. Bien que c'est la même situation ici au Canada, on a plusieurs voyageurs aériens qui se plaignent des mesures, des fouilles corporelles, des scanners qu'on a installés à Vancouver, à Montréal et dans d'autres aéroports canadiens. Et c'est la même situation quoi qu'on vit ici en Europe et dans plusieurs aéroports aussi. C'est assez drastique, c'est assez malade. Donc, on parle de sécurité parce qu'on parle de sécurité. La grosse justification de ça, c'est la sécurité. Écoute, il faut assurer la sécurité. La sécurité, la sécurité. Je veux dire, c'est quasiment un mantra, c'est quasiment un culte. Je veux dire, c'est incroyable, là, je veux dire, ce mot-là, l'effet qu'il peut avoir sur la population. Alors, on dit qu'au nom de la sécurité, hein, on demande à la population de se soumettre docilement à des fouilles perverses ou à poser nu pour des agents du gouvernement tout en se prenant une dose de radiation. Alors, il serait peut-être bon de mettre les choses en perspective avant de sombrer dans l'hystérie collective et de réclamer plus de ces coûteux scanners dans les aéroports. Pour évaluer le bien fondé de cette dite sécurité qui ne fait que reculer nos droits et libertés, il faut analyser les risques véritables de terrorisme qu'encourent les voyageurs aériens. Et pour ce faire, je vous ai déniché un article qui est des plus éloquents, qui se nomme Les chiffres ridicules du terrorisme. J'en ai extrait une partie que vous allez retrouver dans mon article. Et voici les points les plus importants qu'on peut y trouver. Ces 10 dernières années aux États-Unis, il n'y a eu que 6 attentats ou tentatives d'attentats terroristes à bord d'un avion. On parle des avions du 11 septembre, la bombe de la chaussure de Richard Reid en 2001 et enfin la bombe dans le slip sur le vol NWA 253 en décembre dernier à Noël. Après ça, ben, vous avez plusieurs chiffres, là, je vous les nommerai pas toutes, je vais vous laisser les découvrir. Sauf que, écoutez, là, juste pour vous dire, là, rapidement les statistiques les plus importantes. Si on met bout à bout les vols qu'on a parcourus depuis ce temps-là, on parle de, écoutez, là, ici, c'est 111 milliards 713 millions de kilomètres qu'on a parcouru en avion. Il y a donc eu environ un incident terroriste aérien aux États-Unis à tous les 11 milliards 500, presque 600 millions de milles parcourus. C'est assez incroyable. Je veux dire, est-ce que vous parlez vraiment d'une récurrence, je veux dire, qui se représente partout? Est-ce que c'est une récurrence constante? Non. On dit qu'on a environ une attaque terroriste par, ça arrive à 111 milliards de kilomètres parcourus. Ça équivaut à 1 459 000 fois le tour du monde, ou 24 218 allers-retours entre la Terre et la Lune. OK? Ou deux allers-retours vers la planète Neptune, imaginez. Alors, quel est le risque? Est-ce qu'il y a vraiment un risque, réellement? On se pose des questions, OK? Vous avez, ces 10 dernières années, un passager aérien avait donc une chance sur 10 408 947 d'être sur un vol affecté par un attentat terroriste. Par comparaison aux États-Unis, vous avez environ une chance sur 500 000 d'être frappé par la foudre. Je ne vois personne se mobiliser pour faire installer des paratonnerres dans tous les lieux publics, n'est-ce pas? OK? Alors, je répète les chiffres. Alors, ces 10 dernières années, un passager aérien avait donc une chance sur 10 408 947 d'être affecté par un attentat terroriste sur un vol, alors qu'on avait 500 000, une chance sur 500 000 d'être frappé par la foudre. Vous avez une chance sur 126 de mourir d'une crise cardiaque. Est-ce qu'on hallucine partout à cause de ça? Est-ce que vous avez, ici, on a une chance sur 18 100 de mourir assassiné. Pourtant, c'est pas partout dans la page, les pages des journaux, hein? C'est spécial. Donc, une chance sur 55 millions d'être victime d'une attaque terroriste contre un avion de ligne, partant du principe qu'il y aurait une attaque par mois et que vous prenez l'avion une fois par mois. Imaginez. Est-ce que ça a du bon sens, l'hystérie comparative par rapport au terrorisme sur les avions? Est-ce que vous pensez que ça justifie toutes ces mesures draconiennes dans les aéroports? Voilà qui devrait mettre les choses en perspective. Vous n'êtes pas encore convaincu? Voici une autre statistique qui fait réfléchir. Vous avez le Wall Street Journal qui a publié un article accompagné d'un complément. Donc, vous avez trouvé ça en lien dans l'article que je vous ai écrit, qui traite de ce sujet en analysant quelques surprenantes statistiques. Depuis l'an 2000, les probabilités de mourir d'un acte de terrorisme à bord d'un avion commercial américain sont de 1 chance sur 25 millions. Ça, c'est ce que rapporte le Wall Street Journal. Les probabilités d'être frappé par la foudre sont donc de 1 chance sur 500 000. 1 chance sur 25 millions, OK, de prendre l'avion puis d'être victime d'un acte de terrorisme aux États-Unis. 1 chance sur 25 millions. Les probabilités d'être frappé par la foudre, 1 chance sur 500 000. Ça veut dire que vous avez 50 fois plus de chances d'être frappé par la foudre que de mourir dans une attaque terroriste à bord d'un avion. N'est-ce pas révélateur? 50 fois. La semaine passée, j'ai dit 3 fois. Imaginez comment j'étais conservateur. Les gens qui disent, ah, il exagère, il exagère pas le gars, hein? Il était pas mal en dessous. 50 fois plus de chances d'être frappé par la foudre que de mourir dans une attaque terroriste à bord d'un avion. Donc, par conséquent, les autorités et les médias hallucinent littéralement sur la menace terroriste au point de terroriser la population entière et de lui imposer des mesures de sécurité liberticides et criminelles envahissantes, où elle branle le bas de combat pour protéger et prévenir la population contre la foudre. Où sont les dispositifs de sécurité, les pages premières de journaux? De plus, les terroristes, ils ne sont pas des cons, comme je vous disais la semaine passée, du moins pas tous. Même si une sécurité pouvait être efficace à 100% et sans faille, ce qui est impossible à atteindre, les terroristes choisiront de faire exploser leur engin ailleurs. Hein? S'ils ne peuvent pas monter à bord d'un avion, ils le feront exploser dans l'aéroport même, dans un autobus, un centre d'achat ou tout autre endroit public. Le résultat sera le même. Pourquoi prendre le risque de monter à bord d'un avion? Il y a énormément d'endroits encore plus sensibles et stratégiques qu'un avion, n'est-ce pas? Et puis, comme je vous posais la semaine passée cette question, si une bombe venait qu'à exploser dans un centre d'achat, devrait-on y installer des scanners corporels et instaurer des fouilles manuelles par des agents du gouvernement ou des compagnies privées de sécurité? Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous avez une résistance incroyable qui est en train de monter aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs pays. On arrête de voler, on arrête de se rendre aux États-Unis, les chiffres sont en chute libre. Alors, ça, oui, c'est intéressant. Pourquoi? Ben parce que les gens, là, ils se laissent pas faire. Ils sont en train de réagir. Ça, c'est un très, très bon signe. Il faut continuer à le faire. Vous devez comprendre que la business qui profite de ça, c'est le nouveau secteur de la sécurité. Alors, on parlait tout le temps du secteur militaro-industriel qui profitait énormément des guerres sans fin, des conflits armés, des tensions. Ben là, c'est le nouveau secteur économique qui s'appelle le secteur de la sécurité. Alors là, on fait de l'argent maudit, les chiffres doublent à chaque année, triplent à chaque année. C'est extrêmement lucratif. Alors, on épeure les gens avec des fausses menaces qui n'existent pas. Le terrorisme, écoutez, vous avez 50 fois plus de chances d'être frappé par la foudre, mais on vous fait halluciner avec le terrorisme. On saisit votre dentifrice. Les mamans qui apportent leur enfant à bord avec du lait sont obligées de laisser le lait parce qu'on ne laisse pas passer les liquides sur l'avion. Okay? Comme si la maman était pour faire exploser son enfant. On fouille les enfants. Vous avez des images sur YouTube cette semaine qui sont sorties. Un jeune garçon, il doit avoir à peu près 5 ans. On y enlève son chandail. Voyons donc. On déshabille le petit garçon. Comme si le garçon, lui-là, là, c'était une menace terroriste. Et c'est des Mongols. C'est des Mongols. Les gens de la TSC, là, des agents de sécurité, c'est des malades mentales. Puis les autres qui s'objectent à ça, les autres agents de sécurité qui disent, ah, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. Vous avez une nouvelle qui est sortie cette semaine, ils disaient, nous, on ne fait qu'appliquer les ordres. Eh bien, ça, c'est un argument qui n'a pas tenu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale quand les nazis ont dit qu'on ne faisait qu'appliquer les ordres. Hein? Ils ont été pendus pareil. Les agents de sécurité qui se défendent avec un argument comme ça méritent d'être pendus autant que ceux qui mettent en place ces ordres-là. C'est politique. Okay? Si vous n'êtes pas content, ben démissionnez. Objectez-vous à ça. Je veux dire, vous participez à ça. Non seulement vous participez à ça, mais vous travaillez autour de ces fameux scanners corporels-là. Je vous garantis, vous allez mourir d'un cancer bien rapide. C'est même pas bon pour vous autres. Hein? Fait, vous voyez, François, ici, il n'est pas là pour vous blaster puis vous peindre comme des démons. Je me préoccupe même de votre santé. Tenez-vous loin de ces scanners-là. On porte atteinte. On est en train de vous donner le cancer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à travailler pour cette compagnie-là? Parce que c'est votre gagne-pain? Alors, vous avez gagné votre pain en vous tuant, en attrapant des cancers? Machines cancérigènes et mutagènes. Dézippe les chaînes d'ADN. Affirmation prouvée par plusieurs scientifiques et même des biophysistes et des biochimistes. Pas des centres de saints qui vous disent ça, là. OK? Alors, pendant ce temps-là, ben, vous avez la TSC qui a publié des articles. On dit que si on vous décourage à prendre l'avion, à passer à travers les mesures de sécurité, à vous opposer, à résister à ces affaires-là, que on était pour vous étiqueter d'extrémistes. Alors, on est en train de vous dire finalement ce que je suis en train de faire, là, d'écrire cet article-là, de vous parler de ça. Ça veut dire que moi, je suis un extrémiste et potentiellement un terroriste. Et puis, on encourage les agents de sécurité et puis les agents fédéraux aux États-Unis à reporter ces gens-là pour qu'elles soient listées. Alors, voilà. Alors, moi, ce que je prédis, c'est que ces gens-là ne vont pas vouloir s'arrêter là avec les aéroports. Ils veulent installer ces dispositifs totalitaires à la Big Brother partout dans les lieux publics, centres d'achat, métro, stations de train et autres endroits tels que les banques et autres endroits privés. OK? Qui sont les suspects? Tout le monde. Tous les présumés terroristes et coupables. Hein? On est tous jugés, on est tous des présumés terroristes et coupables, ayant prouvé notre innocence, au lieu d'être présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. C'est là qu'on s'en va. On nous pousse à la soumission, à l'obéissance, à la loyauté envers le gouvernement. On nous déshumanise étape par étape. On nous entraîne à être traités comme du bétail. Moins de liberté pour avoir plus de sécurité est une fausse équation. Historiquement, moins de liberté a toujours mené à plus de tyrannie. Ceux qui sont prêts à reléguer de leur liberté pour avoir plus de sécurité ne méritent ni un et ni l'autre et ils perdront les deux. Ça, c'est un fait historique. C'est aussi les paroles d'un des pères fondateurs des États-Unis. Peut-être des mots qu'on devrait peser. Le secteur économique connaît la plus fulgurante expansion et celui du secteur de la sécurité et de la surveillance. Pour le faire profiter, on va même vous faire passer pour des terroristes, des extrémistes. Right? Big Brother est riche. Big Brother fait énormément d'argent. Énormément d'argent. Vous avez une citation aussi de Henry Kissinger. à la conférence des Bilderberg à Évian, en France, qu'un des commentateurs a laissé, et puis je la lis parce qu'elle en vaut la peine, une citation de Henry Kissinger. Aujourd'hui, l'Amérique sera outrée si les troupes des Nations Unies entraient dans Los Angeles pour restaurer l'ordre. Demain, elles en seraient reconnaissantes. Ceci est particulièrement vrai s'il leur était dit qu'un danger extérieur, qu'il soit réel ou promulgué, menace leur existence. C'est alors que les peuples du monde demanderont à être délivrés de ce mal. L'unique chose que tous les hommes craignent est l'inconnu. Confrontés à ce scénario, les droits individuels seront volontairement abandonnés au profit de leur garantie de leur bien-être assuré par le gouvernement mondial. Henry Kissinger, à la conférence des Bilderberg à Évian, en France, en 1991, a dit ça. Eh bien, alors, voyez, c'est des sujets très importants. Alors, je vous invite à aller lire cet article. C'est assez curieux, comme je vous disais, dans un des autres commentaires, comme je vous disais, le Homeland Security, je pense que je l'ai dit la TSA un peu plus tôt, c'est sur le site de la Homeland Security, on dit que les gens qui s'engagent dans des activités qui vont interférer avec les politiques de la TSA aux États-Unis, aux procédures, aux protocoles de procédure, les opérations, ceux qui s'objectent activement à ces processus de fouille et de sécurité aux aéroports seront étiquetés comme des extrémistes intérieurs domestiques. OK? Cela inclut quelques personnes, n'importe quelle personne, groupe ou des sources de médias alternatifs, citations là, OK? Qui s'activent, qui s'objectent activement ou qui causent les autres à s'objectiver, qui poussent les autres, les supportent, les soutiennent, les incitent ou qui incitent quiconque à s'engager contre ces procédures-là ou même à cesser de se rendre aux États-Unis en réponse à cette expansion de ces procédures de sécurité vont être identifiées comme étant des extrémistes. Imaginez, c'est là qu'on s'en va, là. C'est là qu'on s'en va. On parle ici de n'importe quelle personne de groupe ou de source de médias alternatifs. N'est-il pas curieux qu'ils citent seulement les médias alternatifs et non les médias traditionnels? Ils ont peur de nous, je vous le dis, ils ont peur. Ils savent que les grands médias ne sont pas un danger pour eux, qu'ils nous mentent sans cesse. Selon eux, nous sommes des extrémistes, terroristes, pour nous objecter la tyrannie, la destruction de nos libertés et de nos droits. OK? Ces gens-là sont en train de détruire nos droits, de nous les. Finalement, de nier nos droits et libertés. Et puis après ça, parce qu'on s'objecte à ça, ils nous traitent d'extrémistes. Incroyable! En réalité, ils sont les terroristes, les tyrans. Ça fait déjà plus de 5 ans que j'ai cessé de voler via les États-Unis ou même de me rendre dans ce pays, quitte à payer plus cher pour me rendre où je me dirige. Dire que j'ai déjà même été un guide touristique à New York, imaginez. Tant pis pour eux. Je leur apporte plus de business ni d'argent. L'intimidation ne fonctionnera pas. Que la TSC soit démantelée. Des fous furieux. Cessez de voler vers les États-Unis. Lisez les médias alternatifs. C'est assez révélateur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors, quelques petites autres nouvelles dans ce dossier-là. Vous avez ici un article qui parle de la TAC, les travailleurs de la TAC qui font face à des abus verbaux, alors des voyageurs. Alors, ces gens-là se plaignent. Hein? Ils disent qu'on ne fait que suivre les ordres, qu'on ne fait qu'exécuter les ordres. Vous avez M. Chertoff, Michael Chertoff, j'en parlais la semaine passée, qui lui, avant même que l'histoire du 25 décembre dernier, là, le Abdul Muttalab, qui apparemment aurait voulu faire sauter un avion, passer les scanners à Schiphol, on lui a fait contourner ça, a été mis à bord par un agent du FBI. C'est pas grave, ça, on ne parle pas de ces détails-là. Ce qu'on dit, c'est qu'après ça, il faut vous imposer ces fameux scanners-là. Chertoff, lui, qui a des conflits d'intérêts très graves parce qu'il nous a conseillé d'installer ces fameux scanners-là qu'il avait déjà commandés, dans lesquels, lui, il a des connexions d'affaires avec son groupe Chertoff, dans lequel il profite. Et si vous avez une nouvelle qui parle de ça, une vidéo, Chertoff qui a gagné 350 millions de dollars avec des contrats en conseillant le gouvernement pour acheter ces fameux scanners à rayon X et millimétrique. Gros conflit d'intérêts. Donc, on vous épeure. D'un côté, on vous terrorise. Puis après ça, ceux qui vous terrorisent sont ceux qui profitent après ça de la vente de ces machines-là. Quand même. Il faut avoir du front. Vous avez les compagnies aériennes qui sont inondées de plaintes de voyageurs. Alors ça, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que c'est eux qui vont souffrir, c'est eux qui vont pouvoir renverser ça. Ils ont du pouvoir, ces compagnies aériennes-là. Si à un moment donné, ils se disent, écoutez, là, c'est parce que nous autres, là, on perd pas mal d'argent. On va faire faillite, là, si vous arrêtez pas vos niaiseries. Là, on est en train d'installer peut-être. Là, on est en train. Là aussi, c'est spécial, ça. C'est une autre nouvelle qui porte à réfléchir. Est-ce qu'on serait en train hein, problème, réaction, solution. Hein, il faut tout le temps avoir ça en tête aussi. Est-ce qu'on est en train de créer une genre de furie, créer une fureur créée volontairement en voulant insulter les gens? Donc, on savait que les gens là étaient pour se révolter contre ces nouvelles procédures de sécurité aux États-Unis. On se dit là, on va pousser bien fort, là, on va en beurrer bien épais, les gens vont halluciner bien raide. Puis après ça, on va arriver avec une solution qui va paraître moins pire, que les gens vont accepter comme solution de rechange, mais qui en réalité est bien pire que ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est quoi cette affaire-là? C'est qu'on est en train de parler de des nouveaux programmes pour les passagers aériens qui voudraient accélérer le processus pour monter à bord de l'avion. On va créer des nouvelles lignes. Et puis là, ces gens-là vont faire partie d'un programme qui va s'appeler Clear. Un programme qui vient d'être relancé en Orlando la semaine passée et puis qui se prépare à être lancé à l'aéroport de Denver aux États-Unis, dans lequel les membres vont recevoir une carte qui va s'appeler la Clear Card. Et puis, on va falloir soumettre nos empreintes digitales et un scan de l'iris. OK? Avec des données biométriques. Alors, on va avoir des kiosques dans les aéroports participants. Qui va permettre aux gens de confirmer leur identité pour accélérer la sécurité. Alors, ces gens-là vont avoir une carte, sauf que là, vous allez devoir être fiché. Hein? On parlait de Big Brother et les chips et toutes ces affaires-là. Ben, on est rendu là, avec les scans de l'iris. Hein? Donc, vous retenez votre carte comme ça. Tout a l'air bien beau. Alors, maintenant, je peux passer rapidement à travers les frontières. Mais ben, là, il faut que vous donniez vos empreintes digitales. Clac. Scan de l'iris. Zip-zap. OK? Alors ça, c'est encore pire, là. Ça, c'est pas une solution à ce que les nouvelles procédures dans les aéroports, là. Ça, c'est pire encore, là. OK? Vous avez de prendre un échantillon de votre ADN, là. Alors, allez voir ça. Vous avez un projet de loi qui est introduit par Ron Paul pour mettre une fin à ces abus de la TSA. On parle aussi de la désobéissance, la désobéissance civile, hein, qui était la vraie fondation de la liberté. Alors, ça aussi, c'est un message. Ensuite, on va faire un petit tour rapide de l'économie avant de partir en pause musicale. Vous avez l'Irlande qui vient, elle, de recevoir son plan de sauvetage. Alors, a acquiescé à ça. Alors, voilà, donc vous avez les Européens, vous avez même les Américains qui vont maintenant envoyer de l'argent pour sauver l'économie en Irlande. Alors, finalement, on va sauver les pays qui sont en banqueroute, qui croulent sous les dettes avec plus de dettes. Alors, si ça vous semble un peu complètement malade mental, ben c'est parce que ça l'est, hein? Alors, c'est comme si quelqu'un venait se taper sur le doigt avec un marteau, se redonnait un autre sur le doigt, en espérant que c'était pour l'aider. Comme quelqu'un qui se brise une jambe, puis qui s'en rebrise une autre fois, pensant que ça va aider. Alors, les pays sont dans la dette jusqu'au cou, sont en train de crouler sous les dettes, à cause du système fractionnaire le système fractionnaire bancaire. Qui est un système en pyramide qui a besoin de plus en plus de dettes à la base d'être créé pour pouvoir soutenir le système. Alors, un système qui est voué à l'échec de par sa constitution, de par sa nature même. Et puis là, pour se sortir de la dette, ben on crée plus de dettes. Hein? Alors ça, c'est logique. Vraiment, c'est vraiment fantastique. Et puis là, ben voilà quoi. Donc, on se retrouve avec finalement le pays qui va être contrôlé par les banquiers internationaux, les banquiers privés. Et puis là, finalement, ben, ce qui se passe, c'est que l'Irlande vient de se faire prendre à la gorge par les banquiers privés qui finalement maintenant la contrôlent. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, les Rothschild, les Goldman Sachs se retrouvent les deux sur la liste des milliardaires de ceux qui vont financer le plan de sauvetage de l'Irlande. Vous avez les pairs de taxes américains qui vont financer à peu près 20% de ce budget du Fonds monétaire international. Les Irlandais qui sont en fureur contre ça, qui sont pas d'accord avec ça, avec toute raison aussi. Alors, qui va profiter de ça? C'est des institutions financières, finalement. C'est pas le peuple irlandais. Hein? C'est les institutions financières, les banques privées qui reçoivent cet argent-là, le gardent, ne le prêtent pas, s'assoient dessus. Il faut racheter le mauvais papier toxique des marchés, des produits dérivés. Hein? Alors, cet argent-là n'atteint finalement jamais la population. On est en train de faire un gros gamble. Hein? On est en train de mettre en danger la zone européenne. Et puis, plusieurs analystes disent que ces jours sont comptés. On est en train de voir plusieurs manifestations qui se produisent en Irlande. Vous avez des vidéos de ça. Et vous avez une autre vidéo ici du FMI avec un de ses représentants qui dit que c'est le début de la gouvernance globale. Alors là, ça ne vient pas de la bouche d'un conspirationniste, ça vient de la bouche même des têtes du FMI, des Fonds monétaires internationaux. Allez voir ça. C'est le début de la gouvernance globale. Je fais référence un peu à un article que j'avais écrit il y a quelques mois qui s'appelait Le nouvel ordre mondial s'affiche publiquement. Allez voir ça. C'est un article très important à aller voir. Le nouvel ordre s'affiche publiquement. Vous allez retrouver ça en lien dans la liste des commentaires. Je l'ai laissé là. Vous faites une recherche sur Internet. Je l'ai laissé dans la section des commentaires sous l'article. L'article que j'ai publié cette semaine qui s'appelle Bienvenue dans les aéroports américains, agression aux doses de radiation. Allez voir ça. C'est pas des histoires, hein, de conspirationnistes, ça vient de la bouche même de ces gens-là, des grands médias. Bédoum, directement dans votre face, ça vient de la source même. Okay? Ensuite, vous avez dans un autre article le FMI qui demande à l'Europe de créer une Europe fédérale. Okay? Donc, de créer un gouvernement fédéral un peu comme aux États-Unis. Alors, on est en train de dissoudre toutes les souverainetés nationale en Europe. Alors ça, c'est le plan depuis longtemps. Puis là, ben, on affiche nos couleurs directement, là, je veux dire, directement dans la figure des gens. Le FMI qui demande plus de pouvoir au centre, hein, centraliser le pouvoir pour se défendre, entre parenthèses, contre la crise. La crise qu'ils ont créée eux-mêmes. Problème, réaction, solution. La crise qu'ils ont créée eux-mêmes jette l'économie à terre. Après ça, ils vous disent qu'ils ont la solution, comme je vous disais dans la citation de Henry Kissinger. Okay, ça fait longtemps que c'est planifié, ces choses-là. Ce n'est pas des hasards. Il n'y a pas de hasard en politique. Il n'y a pas de hasard en finance. Arrêtez de croire là, à des chimères. Vous avez un article ici qui parle d'une plonge. Okay? On est en train de descendre. C'est la descente aux enfers. 28% de baisse dans les standards, dans les niveaux de la qualité de vie aux États-Unis. Imaginez. Une baisse de 28% dans les niveaux de la qualité de vie pour la famille moyenne aux États-Unis. Vous avez trois autres banques qui ont fait banqueroute. On est rendu à un total de 149 pour cette année. Vous avez d'autres articles ici à aller trouver. On parle de cette fameuse foreclosure gate, hein, le fameux scandale des saisies, des reprises de finances aux États-Unis. On a ici un autre exemple d'une compagnie qui signait plus de 5 000 reprises de finances par jour. 5 000 par jour. N'est-ce pas incroyable? Vous avez un autre article qui parle de 41 faits à propos de l'histoire des banques centrales aux États-Unis que les enfants n'apprennent pas à l'école. OK? Des faits très intéressants. Allez voir ça. Un nouveau dollar, un insider de la Fed aux États-Unis sort d'un meeting des banquiers et dit qu'on est en train de préparer, ça c'est les grosses rumeurs, je ne peux pas corroborer ça, c'est des rumeurs qui viennent de des insiders où on est en train de parler d'un nouveau dollar. On s'apprête peut-être aux États-Unis à faire crasher l'ancien dollar, de toute façon c'est impossible à rembourser, ce dollar-là il est fini, on le dévalue, on est en train de fourrer le reste de la planète. Et puis après ça, zap, on va avec un nouveau dollar, c'est possible. C'est en train de se parler. Vous avez des articles à aller voir aussi sur la guerre que la Fed mène contre les Américains. Pourquoi? Parce qu'on vient de publier encore 600 milliards de dollars. On vient d'imprimer 600 milliards de dollars dans l'économie. Alors ça fait dévaluer l'argent des Américains. C'est-à-dire, ça fait dévaluer les fonds de pension. Ça fait dévaluer la valeur des salaires des gens. Okay? Ici, on parle d'un impact qui pourrait entraîner une dévaluation du dollar de plus de 20% et la destruction d'une valeur de plus de 10 trillions de dollars pour les maisonnées. ça pourrait dissoudre 10 trillions de valeurs. Alors, qui souffre? La classe moyenne, les gens. Après ça, vous avez la Fed et puis différents hauts gens placés comme ça qui ont admis que le but principal de la Fed, c'est de protéger Wall Street, c'est de protéger la Dow Jones, de protéger le marché boursier. C'est ça leur mission première. Ils l'ont dit, là, ça vient de leur bouche. Leur mission première, c'est pas de faire attention à l'économie, de protéger l'économie, d'enrichir la population, les Américains. Non, non. C'est de protéger les marchés boursiers, de protéger les investisseurs. C'est tout. Ça s'arrête là. Bon. Alors, vous avez des bonnes nouvelles. Oui, vous avez ici une bonne nouvelle. On avait une genre d'immunité rétroactive qui était pour être votée, qui a été introduite dans un projet de loi aux États-Unis pour protéger les grands banquiers. Et puis là, ça a été défaite. Ça a été défaite. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Peu importe la raison pour laquelle ils l'ont faite, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous avez ici une série d'articles sur des graphiques à aller voir. Ça, ici, c'est les nouvelles maisons en vente qui sont en baisse, en chute libre. Okay? Alors, ça ne va vraiment pas bien. Vous avez aussi la charte de la dette des consommateurs qui est vraiment dégueulasse à voir, vraiment, vraiment pas belle. Okay? Ça fait peur à aller voir. Vous allez voir ça. Les gens n'ont plus d'argent, les gens s'endettent rapidement. Jim Rogers qui déclare qu'on a eu trois banques centrales dans l'histoire des États-Unis. Deux d'entre elles ont fait faillite, n'ont pas été un succès, ont implosé, puis il dit que cette présente Fed va suivre la même destinée. Alors, allez voir ça, 2 minutes de Jim Rogers, très important. Alors, beaucoup de nouvelles comme ça, là. Je veux dire, les banques qui font banqueroute à une vitesse record, jamais vue depuis au moins 2 décennies. Alors, on ne peut pas parler vraiment de reprise économique aux États-Unis. On est en train de tomber, de sombrer en dépression. Ça, c'est la réalité. Alors, mon Dieu, il y en a tellement d'articles là-dessus. En une semaine, vous avez eu pour 10,2 trillions de dollars d'emprunts par différents gouvernements à travers la planète. Alors, voyez les gouvernements qui s'endettent de façon massive, rapidement. Et l'autre article qui parle ici du vrai taux de chômage aux États-Unis qui se tiendrait autour des 23 %. 23 %. Un cinquième de la population, presque un quart de la population américaine est sans emploi en ce moment. Vous avez un autre ici, un sondage qui a été fait chez la grande chaîne Walmart qui montre que l'inflation est déjà en train de frapper dans les produits. Ça se reflète dans le prix des produits, même chez Walmart. Vous avez des articles ici sur les robots qui signaient justement les reprises de finances. Alors, plusieurs articles là-dessus. N'est-ce pas incroyable? On a même mis en place des fausses cours de justice avec des faux juges pour intimider les gens puis reprendre leur maison. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas incroyable? La construction des nouvelles maisons qui a diminué de 11,7 % dans le dernier quart au mois d'octobre, le plus bas en 18 mois. 288 000 maisons qui ont été reprises de finances dans le troisième quart financier aux États-Unis. Ça ne va pas bien. Pendant ce temps-là, les banques, elles, font un bonus de 25 % à toutes les fois qu'elles reprennent de finances une maison, qu'elles saisissent une maison. Alors, ces banquiers-là, eux autres font un profit à toutes les fois jusqu'à 25 % de bonus quand elles reprennent de finances ces maisons. Alors, voilà, ça aussi, c'est fantastique. Alors, la situation ne s'améliore pas, ça c'est évident. On dit dans certains articles ici que justement, on ne va pas sortir de cette crise-là tant qu'on ne jettera pas ces gens-là en prison. Il faut que l'économie se nettoie de ces criminels, de ces terroristes économiques. Alors, il faut absolument faire un ménage là-dedans et envoyer ces gens-là à la prison. Vous avez différents graphiques ici, des vrais taux de chômage, 147 fonds de pension qui sont en train de faire faillite cette année. Alors, les gens non seulement perdent leur maison, mais perdent leur fonds de pension. Vous avez un autre article qui parle de la classe moyenne qui est frappée encore par des taxes sur les fonds de pension. Alors, là, on les taxe en plus. Incroyable. Un autre fonds de pension ici dans l'Illinois qui est en train d'éclater. Alors, un fonds de pension de 10 milliards de dollars qui est en train d'éclater. Les revenus des maisonnées aux États-Unis qui tombent plus rapidement que n'importe quelle autre année en comparaison depuis la Deuxième Guerre mondiale. N'est-ce pas incroyable? Pendant ce temps-là, les banquiers s'enrichissent. Hein? Ça fait penser à Crassus dans le temps de Rome, qui lui, justement, avait trouvé un bon moyen, un peu comme les banquiers aujourd'hui, de faire tellement d'argent qui n'avait tellement d'argent qu'il mettait des feuilles d'or dans son vin, hein, pour souligner son égocentrisme, qui a inspiré d'ailleurs la fameuse boisson de Goldschlager d'aujourd'hui. Vraiment, hein, l'histoire se répète. Ça fait 2000 ans, elle se répète, l'histoire. Les banquiers qui nous lavent tout le temps. Alors, on voit ici un autre article ici de Gary Schilling qui a prédit que le marché de la construction, le marché immobilier aux États-Unis risque de s'écrouler. Il dit, lui, que le stock market, le marché boursier, est trop surévalué et que lui, il prévoit une vente en domino, une vente, une panique de vente significative d'ici un an, alors que la Fed, elle, s'apprête à, entre parenthèses, entre guillemets, à stimuler la croissance économique. C'est des plus intéressants. Il faut suivre ce qui se passe. La deuxième vague du tsunami financier est en train de déferler. Il faut comprendre ce qui se passe. La Fed qui travaille en collusion avec Goldman Sachs, travaille avec les grands banquiers, Wall Street, toute la gang. C'est directement sous votre nez. Il suffit d'ouvrir les yeux puis de voir ce qui se passe. Les troupes américaines qui sont préparées pour justement pour dealer avec des Américains qui se révolteraient avec des manifestations. Vous avez la société des globalistes qui sont en train de faire s'effondrer la société, hein, pour apporter la loi martiale. On est en train d'entraîner des troupes américaines pour après ça les poster dans différentes communautés et puis prendre contrôle des gouvernements locaux. Dans le cas d'un écrasement financier aux États-Unis, d'un effondrement financier dans lequel on pourrait avoir une révolte sociale importante. Et puis là, on est en train de simplement installer cet État policier, militarisation de l'État policier. Alors, comme je vous disais, ma prédiction, les scanners puis les mesures qu'on voit appliquées dans les aéroports américains, ce n'est que la porte d'entrée. On prépare la population et puis ça, après ça va se répandre partout. Alors, les Américains qui se préparent en achetant des fusils, se préparent en achetant des munitions de façon record pour justement un stand-off, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on risque d'avoir un face-à-face à un moment donné qui risque d'arriver, qui risque de se produire aux États-Unis. D'autres articles à aller voir. Un rapport ici qui suggère que la consommation d'alcool est à la hausse quand la dépression, elle, se creuse. Alors, l'alcoolisme qui était très répandu, même en Union soviétique, juste avant l'effondrement de l'Union soviétique, même affaire aux États-Unis, voyez, l'histoire se répète, l'histoire se répète. Incroyable, hein? Vous savez, le sir Evelyn de Rothschild, qui a parlé sur la crise financière globale et puis sur l'absolue nécessité de protéger les millionnaires et ceux qui financent les plans de sauvetage, comme lui-même, comme je parlais en début d'émission. Ça, vous avez une vidéo aussi de CNBC. Incroyable. Incroyable. Alors voilà, donc c'est tout pour l'économie. Allez voir les nouvelles sur mon site personnel, Les Nouvelles Internationales, pour tous les détails. Nous, on fait une petite pause musicale et on se retrouve après avec les nouvelles de l'actualité. François Marginat au micro. Alors, on poursuit avec la deuxième moitié de l'émission. On va traiter d'actualité. On a des tonnes d'actualités. Alors, il va falloir passer à travers le plus qu'on peut. Il m'en resterait bien, chers auditeurs, pour au moins environ 80 pages, au moins, là, de nouvelles. En fait, c'est même les en-têtes seulement. C'est même pas les articles au complet, imaginez. Je vous le répète souvent, il y en a beaucoup. Alors, on va essayer de couvrir le plus qu'on peut. Alors, allons-y. Actualité. On a un sondage qui nous révèle, selon le gouvernement américain, hein, on parlait avant la pause de comment on est en train de démoniser la population. On perçoit la population comme étant l'ennemi. Hein, donc, l'ennemi d'État, c'est la population, selon les gouvernements, selon l'élite. Les gens, en fait, qui ont pris contrôle de nos gouvernements, on pourrait parler même des coups d'État silencieux, corporatifs, du secteur financier, des banquiers privés qui ont pris contrôle de nos gouvernements. Alors, réellement, les gens qui sont là, en grande majorité, ne nous représentent pas. Et ceux qui sont encore d'une certaine valeur dans le système, bien souvent, ne peuvent pas atteindre les postes les plus importants. Alors, il y a comme un plafond invisible qui fait en sorte que vraiment les bons politiciens, les personnes qui ont vraiment envie de protéger et puis de représenter la population, ne peuvent pas réellement monter au poste et occuper les fonctions les plus importantes. Alors, on démonise la population, on nous perçoit comme étant l'ennemi, évidemment. On espère que les gens ne se réveilleront pas. Continuer à dormir au gaz. Et puis, lorsque les gens commencent à penser par eux-mêmes, commencent à avoir une pensée critique, quand on commence à réaffirmer ses droits et libertés, non seulement les réaffirmer, mais les pratiquer, eh bien, ce qui arrive, c'est ce que ce sondage révèle, ce fameux supposé sondage du gouvernement qui dit que on a un Américain sur cinq qui souffre de maladies mentales, qui ont souffert de maladies mentales durant l'année qui vient de passer. Et on dit dans cet article que la plupart n'ont pas reçu de traitement pour ces maladies mentales. Alors imaginez. Alors ici, on ne parle pas nécessairement de véritables maladies mentales. Hein? On traite les gens de malades mentales pour pouvoir se justifier de ne pas les écouter, de les ignorer, puis encore pire, de les mettre à l'écart, de les incarcérer. C'est ce qui se passait dans l'État soviétique. Alors, les dissidents politiques, ceux qui protestaient, ceux qui étaient contre les politiques du gouvernement, étaient déclarés comme étant des malades mentales. Et puis, on se justifiait alors de les placer dans des hospices, dans des hôpitaux pour malades mentales. Et puis, même les emprisonner et carrément les éliminer. Alors, l'histoire se répète. Et si vous pensez que ces histoires-là ne pourraient pas se passer chez nous, sur notre sol, eh bien, c'est que vous vivez dans une illusion et puis, vous n'êtes pas réellement réaliste, quoi. En réalité, ces choses-là peuvent se passer n'importe où. Ce sont des dérives. Des dérives pour lesquelles il faut tout le temps garder les yeux ouverts parce que dès qu'elles commencent à présenter les premiers symptômes, cela devrait sonner une alarme très claire. Alors, le gouvernement dit qu'un Américain sur cinq, un adulte Américain sur cinq a souffert d'une maladie mentale durant l'année qui vient de passer. Et puis là, vous devez comprendre que de plus en plus, ce qui inquiète, c'est qu'on est en train de justifier de façon rationnelle que la colère des gens, des individus face au gouvernement fédéral est maintenant classifiée comme étant une maladie. Comme il était rapporté le 15 novembre 2010 par un site qui s'appelle Network World, on a des documents qui ont été publiés et on apprend entre autres que ceux qui résistent l'autorité, ceux qui se tiennent pour le droit à la vie privée, hein, qui refusent de se faire envahir, pourraient être classifiés comme étant des gens qui sont malades mentales. Quand je dis malade mental, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas de dire ah, oh, tu es un fou. Non, non, non. On parle que ça, c'est selon le livre des diagnostics et puis des statistiques. C'est un manuel pour les désordres mentaux, okay? On appelle le DSM. En anglais, ça s'appelle le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, qui a été publié par l'Association psychiatrique américaine. C'est assez by the book, là. On dit que la non-conformité et puis la pensée libre est une maladie mentale qui est étiqueté, qui est nommé de trouble de défiance oppositionnelle. En anglais, dans le livre, il l'appelle Oppositional Defiant Disorder, ODD. Alors, si les psychiatres suivent la quatrième édition du DSM avec C'est lignes guides de diagnostic. Les gens qui défendent leur vie privée, leur droit à la vie privée et puis leur droit, leur liberté, peuvent être étiquetés de malades mentales, by the book. On a des rapports qui confirment aussi que, grosso modo, quiconque désobéit à l'autorité ou même questionne l'autorité est maintenant considéré comme étant une maladie mentale. Et cette personne-là peut être jetée en prison, une prison pour un institut là, pour les personnes qui ont des troubles mentaux, des institutions, à financer avec les dollars des payeurs de taxes américains. N'est-ce pas incroyable? Alors, imaginez, on donne des exemples, on dit les penseurs libres, les constitutionnalistes aux États-Unis, les gardiens des serments, alors les Oath Keepers, là, ça réfère aux gens de l'armée qui décident de continuer de défendre la Constitution au lieu de donner leur loyauté au gouvernement, c'est-à-dire de. Hein, le gouvernement est en train de changer le paradigme pour que les gens aient une loyauté envers le gouvernement. Ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, les gens doivent prêter serment et être loyaux envers la Constitution. Et puis, il est clairement établi et écrit dans la Constitution américaine que l'ennemi peut être extérieur autant qu'intérieur. Et puis que s'il se présente à l'intérieur ou que le gouvernement ne répond plus à ses fonctions, ne représente plus le peuple, que non seulement le peuple a le droit, mais le devoir de dissoudre le gouvernement et on repart à zéro. OK? C'est quand même fantastique l'histoire des États-Unis qu'on pense à ça, là. Je veux dire, la Constitution, c'est quand même de quoi d'assez unique en tant que tel, là, dans le monde, dans l'histoire mondiale, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité. Il faut connaître les choses pour ce qu'elles sont. Et puis, c'est d'autant plus vrai que si on comprend ces faits historiques, la Constitution des États-Unis, on comprend à quel point que ce qui vient de se passer est vraiment fulgurant, quoi, est vraiment très déstabilisant, est vraiment très inquiétant. On est en train de détruire cette expérience-là, on est en train de la jeter, de jeter la Constitution aux poubelles. Okay? Alors, vous êtes des activistes pacifiques, vous êtes des non-conformistes, vous êtes des résistants pacifiques, vous êtes ceux qui participent à des activités de désobéissance civile. Vous êtes faites partie de ceux qui questionnent l'autorité ou ceux qui sont des artistes hautement créatifs. On a 9 catégories de personnes qui pourraient être classifiées comme étant dans la catégorie des gens qui ont des maladies mentales. Alors, la plupart de vous, chers auditeurs, et de moi-même, ont rempli 8 des 9 conditions. C'est pas des conditions, mais en fait, c'est des diagnostics. Alors, si ça, c'est pas pour vous faire donner là, un petit sentiment de chair de poule, je ne sais pas ce qui va être capable de le faire. Parce qu'on est rendu loin aux États-Unis. Ça fait un article ici qui a été publié par Uruknet où on apprend que par un vote, les cours américaines, les cours judiciaires américaines ont donné le OK à la torture et aux renditions extraordinaires. Alors, ça aussi, c'est assez troublant. Hein? C'est une histoire que ça prend quand même assez de temps pour digérer. Il faut comprendre ce qui s'est passé là. Alors, vous avez le 9e circuit des cours d'appel. Vous avez un document PDF à télécharger qui, dans une poursuite judiciaire qui a été remplie par la ACLU, en représentation de cinq hommes qui ont été sujets à des renditions extraordinaires. Ça, c'est quoi? C'est une rendition extraordinaire. Ça veut dire que, c'est en termes bien simples, c'est des gens à travers la planète qui se font enlever, ils disparaissent, zap, on les enlève, on les kidnappe. On parle de qui ça on parle des agents américains, soit de la CIA ou quoi que ce soit, surtout de la CIA, pour diverses raisons, parce qu'on vous étiquette d'ennemis combattants, de potentiels terroristes ou d'affiliés à l'Al-Qaïda, quoi que ce soit. On a juste besoin de vous mettre une étiquette, là, que ce soit vrai ou pas, c'est pas grave, ça, là. Ils n'ont pas besoin de prouver que ça soit vrai. Ils ont juste besoin de vous nommer comme tel. Imaginez, là. Fait que votre nom, là, c'est Jean-Marie Noël, ou ben non, c'est Marie Spelletier. Vous êtes contre le gouvernement, vous participez à des groupes d'activistes, vous êtes pour la paix, contre la guerre. Zap, on vous met dans ces listes dans ces listes d'ennemis combattants, d'extrémistes ou de gens qui participent au terrorisme. Peu importe que ce soit vrai ou pas, vous êtes sur la liste. À partir de là, on peut vous enlever. Zap, on vous kidnappe. On vous met sur un avion. Vous êtes tout attaché, vous ne savez pas où vous en allez. aucun droit, aucun recours à un avocat, à faire un appel à la famille, à avertir qui que ce soit. Vous n'avez aucun droit de vous défendre, de demander quelles sont les preuves, de quoi vous êtes accusé. On vous sacre sur un avion, on vous envoie dans un pays où la torture est autorisée et pratiquée, où les Américains donnent ça sous contrat, où ils le font eux autres même dans leur propre prison, dans leur prison secrète. Ils ont un réseau de prisons secrètes où se trouvent environ 30 000 personnes actuellement, aujourd'hui, présentement. Environ 30 000 personnes qui sont enfermées de façon indéfinie, sans aucun recours. Elles ont juste disparu de la surface de la planète. 30 000 personnes dans des réseaux de prisons secrètes américaines. Eh bien là, on contestait ça. Et puis, quel a été le jugement qui a été rendu? Zip-zap, c'est rendu officiel aux États-Unis. La torture et les renditions extraordinaires ont maintenant été approuvées, ont été rendues comme étant légitimes selon la jurisprudence américaine. Mais qu'est-ce qu'on peut dire après qu'on a eu des nouvelles comme ça? Je veux dire, le show devrait s'arrêter direct là. Zap, on finit le show, baisse les rideaux. Pensez à ça. Pensez à ça pendant une semaine. Aux États-Unis, on vient de. Ça s'est passé il y a quelques semaines, d'autoriser la rendition extraordinaire et puis la torture des États-Unis. Le président a reçu les pouvoirs d'éliminer, de tuer, de commettre des meurtres extrajudiciaires de quiconque il désigne comme étant des ennemis combattants ou des terroristes ou des affiliés à Al-Qaïda, à des groupes terroristes, peu importe. Ils se sont donné le droit de zigouiller, d'éliminer quiconque à travers la planète, incluant les Américains. Il me semble que c'est assez grave comme sujet, et puis curieusement, on n'en entend jamais parler dans les grands médias. C'est grave. Le gouvernement américain se donne le droit ouvertement. On ne dit pas que c'est une nouvelle affaire, c'est pas comme si c'était wow, une soudaine affaire. Mais voyons, on sait que ça fait des centaines d'années, les gouvernements, whatever, les présidents, les chefs d'État, se sont donné ce pouvoir-là, c'est certain. C'est certain que c'est rien de nouveau, là. Ce qui est nouveau, c'est qu'on l'a légalisé. On l'a légalisé, on l'a légitimisé. C'est ouvertement fait sur la table, directement sous vos yeux. Quand même assez étonnant. Quelle est la réaction de la population? Quelle est la population des médias? Niet. Zéro. Rien. Nada. Mais voilà. Rien. Incroyable. Vous avez Bush qui a écrit ses mémoires, un nouveau mémoire qui a été publié, et puis ce criminel de guerre-là, George W. Bush, l'ancien président, a déclaré que « Damn right! » Damn right! Oh que oui! J'ai personnellement donné l'ordre d'utiliser le waterboarding, la torture avec de l'eau, qu'on utilisait depuis des centenaires, qu'on sait comme étant être des techniques de torture. On ne s'en cache pas. L'ancien président George W. Bush qui admet pour la première fois depuis que ses mémoires ont été publiées qu'il a personnellement approuvé l'utilisation du waterboarding, une technique dans laquelle les interrogateurs simulent une noyade sur un suspect. La méthode qui est décrite comme par la plupart des experts comme étant évidemment de la torture. Vous avez des gens comme Khalid Sheikh Mohammed qui a été waterboardé, excusez-moi le type, l'anglicisme. On l'a torturé, si je me rappelle bien de mémoire, au-dessus d'une centaine de fois. Incroyable, incroyable. Comment ça se fait qu'un homme comme l'ancien président George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Richard Pearl, Wolfowitz, toute cette gang de morons, de criminels de guerre ne sont pas en train de gire dans les prisons de La Hague, à la Cour internationale, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Ça serait une fois, rien que pour la fun. Alors, voilà quoi. Donc, des nouvelles quand même assez troublantes, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez ici un article de Andy Worthington qui introduit une liste définitive des prisonniers qui demeurent toujours à Guantanamo Alors, ça aussi, ça reste, c'est assez intéressant à voir qui est encore dans ce goulag américain, ce lieu, ce trou noir où aucune loi ne s'applique. Les gens disparaissent, on les tienne là, sans aucun contact avec l'extérieur, jugés par des cours militaires. Vous n'avez même pas le droit de voir la preuve qui est retenue contre vous, de quoi vous êtes accusé, vous n'avez pas le droit d'avocat, vous n'avez pas le droit de communiquer avec votre famille. Si vous arguez en cour que vous avez admis des crimes que vous n'avez pas commis parce que vous avez été torturé, puis on vous a forcé à admettre des choses que vous n'avez pas faites, on pèse sur un piton. Ça c'est pas une affaire que j'invente, là, OK? C'est dans les nouvelles, j'ai lu. Les nouvelles des grands médias, c'est admis, là, c'est un fait, OK, chers auditeurs? Vous avez un bouton sur lequel on appuie, et puis là, on n'entend pas le prisonnier se défendre, on n'entend pas sa défense. C'est blippé carrément des rapports. On l'efface. Oh, on ne veut pas entendre parler de torture. Pip, on ne l'entend pas. Parle de d'autres choses, champion. On va t'enregistrer. Imaginez la justice américaine. Hey, après ça, ils peuvent faire la morale dans le monde, ces gens-là. Quand même assez spécial, n'est-ce pas? Donc, les Américains sont en train de d'évoluer dans un appareil dictatorial, disons-le, je dirais tyrannique, ça c'est évident. Vous avez un article d'ailleurs qui en parle ici. Quand on est rendu qu'on pratique des meurtres extrajudiciaires et que ça devient institutionnalisé aux États-Unis dans la loi américaine, eh bien, c'est qu'on est en train de perdre de quoi de très important aux États-Unis, là, OK? En train de se passer de quoi d'assez spécial. Puis en même temps qu'il se passe ça, hein, les deux poids, deux mesures, badaboum, M. Barack Obama, qui lui est en train de perdre toute sa crédibilité, paye des caves, des sans-dessins, je veux dire, un traître, quoi, a donné à George Bush Senior, OK, donc le père de l'ancien président, la médaille présidentielle de la liberté. Wow! Hey, c'est fantastique, ça. Hein? L'honneur le plus élevé, l'honneur civil le plus élevé aux États-Unis a été remis à George Herbert W. Bush pour apparemment, là, la citation, écoutez, là, c'est incroyable, là. Pourquoi on lui a donné ce truc-là? Parce que ce gars-là se méritait cette distinction spéciale pour sa contribution à la sécurité, les intérêts nationaux des États-Unis, à la paix mondiale, à la culture. Hey! Et ainsi que d'autres bonnes actions qu'il a faites, autant au niveau public que privé. Wow! Contribution méritoire. C'est à se péter à la tête d'un mur. Incroyable. Après ça, un autre article, si on parlait la semaine passée d'Haïti, ben écoutez bien la nouvelle. On a appris cette semaine que les troupes des Nations Unies est en train de se demander, s'inquiètent à savoir si ce ne serait pas eux autres qui auraient causé la pandémie de choléra en Haïti. Incroyable. On a amené des troupes là-bas d'anti-émeute, hein? Et puis on est allé recruter des gens, dont une base népalaise où on avait des gens qui étaient infectés. Zap, on a amené ça en Haïti. On est en train de s'inquiéter de ça. Imaginez ça va les aider en maudit, ça. Hein? Ça va les aider en maudit, ces gens-là. Alors, vous avez des gens népalais qui avaient été déployés en octobre, qui avaient passé un état, qui avaient passé, en fait, un été où on avait eu des vagues de choléra au Népal. Et à peu près ça, zap, on les a amenés en Haïti. Eh bien, c'est fantastique. Et puis là, le pire là-dedans, c'est qu'on n'a même pas la présence d'esprit de tester ces gens-là. Hein? On ne teste pas les soldats, on ne regarde pas voir s'ils ont des maladies avant de les transporter vers l'Haïti. Ça ne fait aucun sens, mais aucun sens. Évidemment que les Haïtiens qui venaient de manger une sérieuse claque à cause du tremblement de terre, et puis après ça, suite à des ouragans qui ont passé, ces gens-là qui habitent encore dans des tentes, c'est évident qu'avec des systèmes immunitaires complètement à terre, eux autres, ils attendaient seulement qu'à attraper une maladie, puis évidemment à créer une pandémie, c'est évident. C'est évident. Après ça, on a un autre article ici qui parle de Bill Clinton, et puis on le traite de seigneur néocolonial en Haïti. Pourquoi? Ben parce que, écoutez, Clinton est devenu un co-gestionnaire de la commission pour sauver Haïti finalement là, ok, donc un genre de gouvernement même par intérim. Il est maintenant lui, il se retrouve à être celui où le seigneur néocolonial de l'île, ok, donc lui, il a planté un coup de couteau dans le dos, il a trahi carrément ses promesses humanitaires et puis n'a pas eu de succès, n'a pas réussi. Tout simplement à collecter même une fraction du 10 millions de dollars qu'ils avaient promis pour la reconstruction de l'île. Qui paye encore? Ben, les Haïtiens. On est tout le temps là pour flasher, pour avoir l'air génial dans les médias, se présenter comme sauveur. Et puis finalement, quand on arrive là, ben finalement, on s'en fout bien là, des Haïtiens, là. On est là pour le cash. On est là pour le cash. Ensuite, vous avez eu le cas assez spécial, vous avez entendu, en Corée du Sud. Supposée altercation militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On n'a pas encore tous les détails. Je vais commencer à vous donner les détails sommaires. Ça va sûrement continuer à s'éclaircir au fur et à mesure que la semaine va avancer. Je vous en ferai un compte rendu la semaine prochaine. Par contre, on a quand même assez d'informations pour discuter de certaines choses. Faites tout le temps attention quand ces trucs-là arrivent, de ne pas croire la première version, bien souvent, là, de faire des recherches plus avancées. Évidemment qu'on va blâmer la Corée du Nord. C'est sûr que là, on fait attention. Là, il n'y a personne qui va vouloir défendre le président complètement malade, débile qu'ils ont. Ça, c'est évident. Okay? Ceux qui sont au contrôle de la Corée du Nord sont des psychopathes de plus haut niveau. Là, je veux dire, des gens gravement malades. Là, je veux dire. Sauf que le peuple, lui, c'est tout le temps qui mange la misère, hein, je veux dire, qui est écrasé là-dedans. Sauf qu'on va démoniser le peuple, on va démoniser tout le monde. Après ça, on a déclaré que, bon, la Corée du Nord avait ouvert le feu. Ça rouvre la porte à des dangers éventuels très importants, lesquels, ben écoutez, là, vous avez la Corée du Nord qui pourrait demander un déploiement d'armes nucléaires américaines sur son sol. Alors ça vient de la bouche du ministre de la Défense de la Corée du Sud qui a demandé que son pays considère recevoir des armes tactiques nucléaires américaines pour être déployées en sol coréen, une première depuis 19 ans. Alors ça, vous avez sûrement des tensions qui sont créées là en Corée du Nord et la Corée du Sud, ça c'est évident, c'est une provocation directe. Ensuite, vous avez la tension qui monte en Corée des deux côtés de la frontière qui se prépare à un conflit possible. Le Japon, lui, qui appelle pour des attaques. Alors, vous voyez, là, on n'est pas en train de vouloir calmer le jeu. On essaie de l'exciter. Vous avez, on dit ici, l'attaque de la Corée du Nord sur la Corée du Sud. On parle de conflits qui sont bien pratiques. Pourquoi? Ben, parce que vous avez les États-Unis qui ne cherchent qu'une raison de partir un conflit. C'est un fait historique. À toutes les fois qu'on vit une dépression aux États-Unis, une crise économique grave, on crée une guerre, on part une guerre. Comme ça détourne la colère des gens qui devraient être dirigés normalement vers le gouvernement et puis les banquiers. On détourne l'attention, on plonge les gens dans une terreur. Ça fait augmenter de façon drastique les taux de loyauté et d'accord de soutien de la population envers le gouvernement. Et c'est sûr que ça détourne l'attention, évidemment. C'est aucune question à se poser à propos là. Et puis, ben là, écoutez, vous avez les États-Unis qui seraient bien contents d'avoir un conflit là. C'est ça, c'est certain, certain, certain. On va essayer de démoniser la Chine, démoniser la Corée du Nord. Ça va être bien pratique à faire. Là, on a appris, mais écoutez, là, c'est les nouvelles là, qui sont importantes à savoir, c'est qu'en réalité, vous avez même ici des dépêches de presse qui sont présentées pour vous. Il y en a dont une qui vient de AP. On dit que, comme je vous disais, comme le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, bien que c'est un homme assez capoté et profondément débile, la Corée du Nord a été la première à tuer des personnes dans ces échanges premières. La Corée du Nord a été la première nation à faire, à causer des morts, à causer des décès. Alors qu'il est un fait que ce sont les Coréens du Sud qui ont tiré les premiers. Vous avez bien entendu. Alors, les échanges ont commencé alors que vous avez Pyongyang de la Corée du Nord qui a averti la Corée du Sud de cesser les pratique militaire qui se déroulait pas loin de la frontière, quand Séoul a refusé et puis a commencé à tirer de l'artillerie dans les eaux disputées, alors vous avez des eaux qui sont disputées, qui font l'objet d'une dispute entre les deux nations, alors il n'y a pas de propriétaire clair. On avait plus de 70 000 soldats qui étaient massés dans cet endroit-là, des soldats de la Corée du Sud. On a commencé à faire des tirs d'artillerie dans l'eau, dans les territoires qui sont disputés. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que la Corée du Nord a décidé de répliquer en bombardant une petite île qui s'appelle Yeonpyeong, sur laquelle on retrouve des installations militaires sud-coréennes. Alors, vous comprenez là un peu là, ce qui commence à se passer là. Alors, vous avez les deux Sud-Coréens qui ont été tués par la Corée du Nord, sont aussi des Marines, des soldats, non des civils, qui étaient stationnés dans une ville militaire. Alors, ça, c'est des détails qui sont importants. Okay? Donc, on va essayer de démoniser la Corée du Nord. Soyez au courant de ce qui se passe. On va essayer de vous remplir là, hein, de mensonges, de propagande pour justifier qu'on rouvre le feu contre la Corée du Nord. Ça fera bien l'affaire de bien du monde. Ça fait trop l'affaire de bien du monde. La Corée du Nord a dit qu'elle a testé des tirs d'artillerie. Alors, ça aussi, c'est même admis par Reuters. La Corée du Sud aussi. On dit qu'on conduit justement des exercices militaires de façon régulière le long de la côte ouest. Et que ça a été fait même avant que la Corée du Nord a commencé à tirer des obus, des douzaines d'obus. Mais on dit que c'était des exercices de tir et des exercices seulement, qui ne ciblaient pas le nord, la Corée du Nord. Alors, voilà. Alors, ça, c'est des petits détails à savoir. C'est important à avoir en tête. Il y avait énormément de troupes, 70 000 soldats coréens, OK? En plus de des conseillers américains qui prenaient part à un exercice militaire qui pratiquait quoi? Qui pratiquait une invasion de la Corée du Nord. Vous avez bien entendu, chers auditeurs, des pratiques militaires qui pratiquaient une invasion militaire du Nord. Alors, on se demande pourquoi la Corée du Nord était aussi nerveuse. N'est-ce pas particulier? Vous avez un article ici qui parle justement de la première guerre, comment que cette guerre-là a commencé, la guerre de la Corée, hein, le 25 juin 1950, alors que le Nord et le Sud avaient tous les deux déclaré que chacun des deux côtés, que l'autre de l'autre côté, que son ennemi avait envahi. Selon les premiers rapports militaires américains, les rapports des services de renseignement, ils disaient que c'était le Sud qui avait envahi le Nord. Il faut se poser des questions importantes, hein? Je veux dire, qu'est-ce qu'on dirait si on apprenait que les deux côtés étaient provoqués, étaient trompés pour commencer une guerre? Ça pourrait être ça aussi. Alors, donc voilà. Alors, la route vers la guerre est ouverte. C'est l'histoire qui peut-être se répète dans la péninsule coréenne. Ce serait bien dommage. Vous savez que les Obama de ce monde sont désespérés pour partir une nouvelle guerre. Ils vont se demander pourquoi que la Corée du Nord partirait une provocation aussi évidente. Hein? C'est évident qu'à un moment donné, si les Coréens, en plus, les Coréens du Nord voulaient vraiment partir une attaque, pourquoi qu'ils n'auraient tout simplement pas attaqué Séoul ou même l'Est? Pourquoi attaquer une île? Pourquoi attaquer une île comme ça? Là, la question se pose. Alors, voilà, je veux dire, moi, je trouve que c'est tout le temps des exemples, l'un derrière l'autre. À chaque fois qu'on dirait qu'il y a une grosse nouvelle qui arrive, que là, on dirait qu'il y a tout le temps une histoire derrière. Les gens vont dire, mon Dieu, histoire de conspiration, tu sais, de conspiration, tu penses trop, là, je veux dire. Non, c'est pas de penser trop, c'est de savoir c'est quoi la vraie histoire derrière. Vous allez comprendre que la plupart du temps, là, les choses, la réalité est bien loin de ce qu'on vous présente. Bien loin. Bien, bien loin. Alors, c'est ça. On va continuer à suivre ça de plus proche la semaine prochaine, comme que je vous disais. Vous avez l'armée américaine qui, elle, va déplacer des porte-avions américains vers la Corée. En fait, on parle de un ici. Donc, vous voyez, les Américains qui veulent se mêler de ça. Alors, on va amener le porte-avions nucléaire USS George Washington qui lui transporte plus de 75 avions de guerre et plus de 6 000 hommes qui est à la base navale du sud de Tokyo, hein, dans le sud de Tokyo, et qui va se joindre aux exercices avec la Corée du Nord dimanche qui s'en vient. Alors, on dit que c'est des exercices qui sont de nature défensive. Hein. C'est ce qu'on dit, ça. C'est ce qu'on dit. On parlait de Bush. Si on a une vidéo très intéressante où on voit l'ancien président, ou est-ce que c'est le président actuel, le président Kirchner, où il raconte, lui, que Bush lui avait raconté que la guerre était le moteur de l'économie. Ça aussi, c'est toute une révélation. Bush qui lâche des grosses bombes. Donc, M. Bush qui a déjà dit au président argentinien, Kirchner, la guerre est le cœur et le moteur de l'économie. Bon. All right. Alors, ça peut pas être plus directement dans votre figure que ça. Alors, moi, je vous rappelle la nouvelle, puis vous en jugerez ce que vous voulez. Hein? Ensuite, vous avez l'OTAN qui, on a eu ces rencontres là qui s'est passées. Alors, la mission devrait se terminer selon eux pas avant 2015. Alors, en résumé, on va être là à perpétuité. Hein, l'OTAN qui s'est mis d'accord en fin de semaine passée pour transférer le contrôle de la sécurité en Afghanistan et aux forces afghanes à la fin de 2014. On dit que l'OTAN pourrait cesser ses opérations de combat aussi, à peu près au même moment, alors que les conditions de sécurité devraient être meilleures. Alors, mais il faut que les conditions soient meilleures. Ça, c'est la condition que ça donne. Alors, si les conditions ne sont pas meilleures, ah ben là, qu'est-ce qui va arriver? Ah ben là, on va rester un autre 5 ans, puis un autre 5 ans, puis un autre 5 ans, puis un autre 5 ans. Alors, c'est ça la colonisation. Hein? On colonise. On colonise, c'est ça qu'on fait. Alors, non seulement ça, mais vous allez voir que c'est un article, c'est sur Global Research, où on apprend qu'on est en train d'encercler la Russie, de cibler la Chine. Et on a un article ici qui parle vraiment du rôle véritable de l'OTAN dans la grande stratégie américaine. Alors, ça aussi, c'est un article extrêmement important où on parle d'institutions spécialisées qui ont un réseautage global qui, bien sûr, inclut l'OTAN, les États-Unis, dans des exercices de pouvoir. À travers quoi? Ben, à travers des ententes qu'on fait, le dialogue, diffusion, on essaie de faire des consensus, etc., etc., pour finalement forcer les gens à se plier au niveau du dictat, au pouvoir globaliste. Alors, ça aussi, c'est un article assez important à aller voir. On est en train d'instaurer un genre de consensus comme ça. On est en train de vraiment d'installer un genre de corps policier, si vous voulez, militaire mondial, qui va servir la gouvernance mondiale, le gouvernement mondial. En Afghanistan, on va faire un petit tour d'horizon au Moyen-Orient. Ben, écoutez, ça continue de brasser là-bas. Vous avez le général Petraeus, on a appris dans un article, qui a ordonné plus de 700 attaques aériennes en Afghanistan au mois de septembre. Alors, 700 attaques aériennes en Afghanistan seulement qu'au mois de septembre. Ensuite, dans un autre article ici de Wired, on apprend que plus de 1 000 attaques aériennes ont été demandées par le même général Petraeus, celui qui est responsable du théâtre de guerre en Afghanistan. Ça, c'est au mois d'octobre. Alors, imaginez 700 et plus au mois de septembre, au-dessus de 1 000 au mois d'octobre. Alors, ça commence à faire pas mal d'attaques, n'est-ce pas? Alors, on continue de causer des dégâts incroyables, de tuer des personnes, des innocents, de détruire, de terroriser la population. C'est comme ça qu'on les libère, c'est comme ça qu'on la rapporte, la démocratie. Vous avez ici un article qui parle de la coopération des Russes avec l'OTAN, qui est vraiment historique, qui est assez déstabilisante aussi. Normalement, l'OTAN s'était dirigé justement contre ces pays. Et puis là, maintenant, la Russie, ben, participe à ça. Alors, ne faites pas trop berner non plus, là, dans les fausses scissions entre le pouvoir mondial, là. Hein? D'un côté, on semble vouloir s'opposer, mais d'un autre côté, on travaille ensemble. Chacun a des intérêts. Tout le monde a des intérêts. Alors, vous avez l'OTAN qui discute de l'Afghanistan. Vous avez une vidéo ici. Vous avez la Russie qui coopère avec l'OTAN. On parle aussi de différentes approches, tout dépendant des têtes européennes ou des Américains pour le budget. On parle dans la vidéo aussi de retirer des troupes de l'Afghanistan vers la fin de 2014. Les États-Unis qui déploient des chars d'assaut pour la première fois en Afghanistan. Des chars d'assaut. Alors, la guerre va bien, hein? Pour la première fois, on apporte des chars d'assaut là-bas. Alors, ça aussi, ça vous dit, ça parle, ça vous dit ce qui se passe. Hein? On dit qu'on a enlevé les gants, qu'on veut avoir un impact énorme. Alors, quel va être l'impact énorme? L'impact énorme, ça va y avoir encore plus de civils qui vont mourir pour rien. C'est ça qui va arriver. Pensez-vous qu'on réussit à contrôler le pays parce qu'on a des chars d'assaut de plus? Non. C'est évident que non. Okay? Alors, on est en train de dire finalement qu'il va falloir détruire le pays en entier pour pouvoir le sauver. C'est ça la stratégie des États-Unis puis de l'OTAN. C'est la libération de l'Afghanistan, mais qui en réalité cause plus de morts, un nombre record. Il faudrait tuer le plus d'Afghans possible. Alors, on sauve les gens comme ça. On les sauve en les tuant. C'est ça l'aide. C'est quand même une stratégie valable. C'est important d'avoir un Pentagone pensant à des affaires de même, n'est-ce pas? Une autre nouvelle ici, on apprend que le Pentagone a fait exploser des milliers de maisons en Afghanistan, répétant les erreurs de la guerre du Vietnam. OK? Alors, on essaie de pacifier les gens, comme on l'a fait en Corée du Sud, alors qu'on lançait des bombes au napalm et puis on brûlait tout le monde, on incendiait tout, on détruisait tout, pour les sauver des communistes. Eh bien, là, on fait la même affaire en Afghanistan avec l'expansion à cette guerre qu'on a donnée de la part d'Obama en Afghanistan. Alors, on fait sauter des bombes un peu partout, des milliers de maisons. Puis après ça, ben, on dit qu'on est là pour les aider. N'est-ce pas incroyable? Ça l'aide les gens, ça. Alors, aux États-Unis, ben, on dépense, là, on vient de déclarer qu'on va dépenser 413 milliards de dollars de plus sur la guerre afghane. Wow! Alors, après ça, on se demande quand ça se fait que les États-Unis sont dans le trou. Là, apparemment, qu'ils viennent d'injecter 600 milliards de dollars dans le système parce que là, l'économie va pas bien. Ben ouais, mais là, vous envoyez 413 milliards de dollars dans des guerres pour détruire des pays qui sont déjà complètement tout détruits, qui sont déjà à genoux, qui ne restent plus rien debout. On a de l'argent pour la guerre. On a de l'argent pour la guerre tout le temps. Alors, c'est fantastique. Vous avez des gens qui couchent dans les rues, perdent leur maison, taux de chômage d'au-dessus de 23 %. Vous allez voir ça dans les nouvelles économiques. On a tout le temps de l'argent pour la guerre. N'est-ce pas débile? N'est-ce pas débile? Rien que pour vous dire à quel point c'est des mensonges, ces niaiseries-là, de la guerre en Afghanistan, puis les faux motifs qu'on se donne. On a fait un sondage ici qui a été publié. On a trouvé qu'il y a moins de 1 Afghan sur 10 qui est conscient, qui sait que ce sont les attaques du 9-1 qui ont précipité la guerre en Afghanistan. Ça vient d'une étude qui a été faite par un groupe de pensée internationale qui s'appelle l'International Council on Security and Development. Donc, 92 % de ceux qui ont été interrogés n'ont jamais entendu avant les attaques coordonnées multiples sur le sol américain le 11 septembre 2001. N'est-ce pas incroyable? Les Américains savent même pas pourquoi. C'est-à-dire, les Afghans ne savent même pas pourquoi les Américains sont dans leur pays. Les Afghans ne savent même pas pourquoi ils sont sous occupation militaire. C'est assez révélateur, n'est-ce pas? Est-ce que cette occupation militaire fonctionne? Est-ce qu'on remplit des objectifs comme faire cesser le trafic de drogue? Pas du tout. 150 000 troupes étrangères n'ont qu'éliminé 0,2 % de la production de la drogue en Afghanistan. Ça vient de sources russes. C'est quand même assez incroyable. Vous devez comprendre que quand les talibans étaient au pouvoir avant de se faire renverser en 2001, eux, ils avaient presque complètement éradiqué la culture du pavot. Et puis, depuis que les Américains sont arrivés là, ça a augmenté tellement qu'on est rendu que l'Afghanistan fournit plus de 90 à 95 % de toute l'héroïne mondiale. Un marché de plus de 200 milliards de dollars. Pensez-vous que c'est des petits fermiers afghans qui contrôlent tout cet argent-là? Est-ce que les Afghans ils ont l'air de des Saoudiens qui se promènent dans des voitures de luxe, des palaces, et puis sont enrobés d'or et de diamants? Non. Donc, qui fait ces 200 milliards de dollars-là? Qui vous pensez? Ben, vous avez des gens comme des seigneurs de guerre, des seigneurs de la drogue qui contrôlent ces provinces-là, qui font partie du gouvernement de Karzai. Vous avez le président de Karzai. Et puis, qui travaille? Pour qui travaillent ces gens-là? Comment cette héroïne peut sortir du pays, se rendre sur les marchés américains, européens, russes, via les canaux militaires américains, via les mains de la CIA? C'est des choses documentées. C'est pas des bobards, je vous raconte, là, hein, pour hein, vous tenir la parole, t'sais, pour discuter ici pour rien, là. C'est ce qui se passe. OK? Alors, 140 000 soldats américains qui ont été diagnostiqués avec des traumatismes et des dommages au cerveau après la guerre en Irak et en Afghanistan. Alors ça, c'est pas mal de monde aussi. Ça fait plus de 7% de tout le personnel américain qui se sont été déployés dans ces deux pays. Alors, après ça, c'est ces gens-là qui sont recrutés par les départements de la police. Et puis, la TSA. Hein? C'est pas incroyable. Ensuite, ben écoutez, les dégâts, ça continue là-bas. Alors, vous avez eu 17 troupes de l'OTAN qui ont été tuées les dernières semaines. Vous avez beaucoup de civils qui ont été tués aussi. Vous avez un paquet d'articles qui relatent ça. Alors, vous allez voir ça, les États-Unis qui sont assez malades en plus pour. Et puis là, ça ne s'arrête pas là. Vous avez ici les États-Unis qui ont refusé aux Palestiniens de se déclarer un État. OK? Alors, on ne veut pas que les États, que les, qu'un État soit promulgué en Palestine. Alors, voyez, on occupe toutes sortes de nations comme ça. On dicte au reste du monde comment les choses vont se passer. Au G20, ben écoutez, ça n'a pas été très bien. J'en ai parlé un peu la semaine passée, le G20. La Chine s'est faite ramasser ben raide. On voulait que la Chine redonne de la valeur à sa monnaie. La Chine a refusé. C'est pas le problème de la Chine, c'est l'économie aux États-Unis qui a été finalement détruite par les financiers de Wall Street, les banquiers internationaux, puis l'ingérence totale du gouvernement. On essaie de mettre ça sur le dos de la Chine. La Chine a refusé de jouer la partie. La Chine et la Russie font des ententes. OK, ont décidé de faire des ententes d'échanges commerciaux bilatéraux sans utiliser le dollar américain. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on arrête là. Écoutez, les États-Unis, il a fallu qu'ils se revengent, là. Je veux dire, les maudits Chinois, ils ont pas voulu nous écouter. Hein? Ils aiment pas nos pratiques financières. Alors, on est en train de démoniser la Chine. Démoniser la Chine carrément. On parle de des missiles chinois qui seraient trop proches de des bases américaines. On parle du Pentagone qui se prépare à envoyer des bateaux de guerre dans le Pacifique autour de la Chine. Les États-Unis qui promettent d'envoyer des porte-avions dans la mer Jaune pour se joindre à des exercices militaires. Vous avez des panels américains qui finalement blastent la Chine. Là, finalement, là, on est dans une période là, où on va essayer de démoniser la Chine. Là, on a la Corée du Nord, en plus, c'est pratique. Puis après, là, on va mettre tout le paquet sur la Chine. Alors, on les accuse de toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Et puis, ça va être le prochain ennemi des États-Unis, quoi. Alors, vous avez même l'Inde qui a déplacé plus de 36 000 troupes à la frontière chinoise. Hein? On a accusé la Corée du Nord de donner du matériel nucléaire à l'Iran et puis la Syrie. Il ne faut pas oublier que qui a donné les capacités nucléaires à la Corée du Nord? Les États-Unis. Hein? C'était l'ancienne compagnie pour laquelle travaillait Donald Rumsfeld. Eh oui. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Okay? Alors, écoutez, c'est ça, c'est beaucoup de nouvelles, là. Donc, nous, on va s'arrêter là. C'est assez pour cette semaine. On va se calmer les neurones un peu. Pensez à ça. Il y a pas mal d'affaires là, qui est passé cette semaine. Et puis, ben, d'ici ce temps-là, ben, qu'on se retrouve. Portez-vous bien, faites attention à vous. Tenez votre système immunitaire bien fort. C'est la meilleure solution pour se préserver de la grippe et puis du rhume et puis de rester en santé. All right? Moi, je vous salue bien bas. J'apprécie votre présence. N'hésitez pas à publiciser, à propager l'émission. Je vous en remercie d'avance. Merci à mon metteur en onde à la station Choc FM. Merci à mon correspondant français, Stéphane Poutois. Je vous salue bien bas. On se retrouve. C'était François Marginal pour l'autre monde. Ciao!